comment ça, ma sœur, elle bat le beurre? Tiens, pour commencer, je n'ai pas de sœur. En plus, chez ma sœur, dans sa baraque, il n'y a jamais eu de baraque. La preuve, c'est qu'elle sait pas quoi en faire. Sa baratte accule la poussière, sa traîne à côté des gamelles. Entre deux séances de manivelle, ma sœur n'a pas été à l'école, que ta baratte enseigne le contrôle. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ma sœur ne sait pas où l'embrayer. Et puis à l'école des chrétiens, les leçons pour ma sœur n'étaient pas claires. Les vaches, ça compte pas pour du beurre. Une vache, ça sert à faire son beurre. Mais hélas, ma sœur n'a pas de vache, pas plus que deux voiles à sa moustache. Elle traite jamais sa chantilly. Ce n'est qu'une vache de compagne, la vache de sa cloche à se les bouches. Ma sœur a si peur d'en prendre en bouche, que pour ma frangine, c'est pas bon. Tiens que pour finir, je n'ai pas de sœur. Pour ma frangine, c'est pas bon. Tiens que pour finir, je n'ai pas de sœur.